Yo got you. Yo got flame. Ooh, woo. J'suis plus gris que ma Garretti. Guizeman n'est-ce pas de Manessi. Trapule dans l'état d'esprit. Nique ta mère et ton carré VIP. Pour mon papier, faut pas que j'hésite. J'fais des calculs à la Maclesguy. J'm'en bats les couilles de vos acédiques. J'suis défoncé mais j'suis pas débile. Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux gros? À part de la haine et des euros. À part de la peine, mon pote est à freine. Pour les meuhards et la queue drôle. J'suis le gardien de mon frère. L'héritier de mon père. Je porterai le 9-4. Et il portera fond vert. Sur le périphérique, je roule à fond la caisse. Et je m'en bats les couilles tout au fond de la tête. Je m'en fume, et je m'ennuie, et je m'ennuie. Donc je m'en fume. J'ai mis de la weed dans le calumet. Je calcule pas ces bitches, je fais partie des opprimés. Je suis dans le bloc jusqu'à minuit. Ouais, jusqu'à minuit. Ouais, et quand la police casse la porte, lampe torche allumée. Moi date des pro-giro dans le camion écroué. Tu sais y'a très peu d'amis. Ouais, très peu d'amis. Ouais, ouais. Vécu écorché, j'ai la boule au ventre. Quand j'entends loin c'est foutu giro. En promenade les balances ça les plantes. Parce que la langue c'est le plus grand des fardeaux. La paire Zanotti elle est en crocodile. Je vais me faire tirer dessus par Brigitte Bardot. J'ai touché une avance très intéressante. Alors j'ai mis ma pièce sur 200 kilos. J'étais fucked up toute la journée. Enfermé dans le bloc, à giler la cam. À surveiller le four comme huile sur le feu. À frapper les petits qui servent du Doliprane. Je suis parti de rien, je titille la mort. Comme Jacques Mérine face au Mirador. Et je crois bien que cette salope de 6ix9ine a donné plus de place qu'à Kinator. Sur le périphérique, je roule à fond la caisse. Et je m'en bats les couilles tout au fond de la tête. Je m'en fume et je m'ennuie. Et je m'ennuie. J'ai mis de la weed dans le calumet. Je calcule pas ces bitches, je fais partie des opprimés. Je suis dans le bloc jusqu'à minuit. Ouais, jusqu'à minuit. Ouais, et quand la police casse la porte, lampe torche allumée. Moi t'as des pro-giro dans le camion écroué. Tu sais y'a très peu d'amis.